J'ai compris que les années ça passe vite, c'est inquiétant. Je me rends compte que Kelly sort à 7 ans le 20 septembre. Que chaque jour, des hommes s'autodétruisent à la hache. C'est pour s'enfuir, les plus forts traversent les mers à la nage. J'ai vu l'écart entre la belle et la bête. Ici la guerre à la patate, mais à la peine et la paix dans la rue. Tu sais, les délits profitent aux hommes. Et dans 10 ans, le kilo de cam sera au prix du kilo de pomme. J'ai compris tard que les regrets me pénalisent. Et ça fait mal quand je réalise que si peu de rêves se réalisent. Que j'avance pas, que leur justice ralentit. Que la France n'est pas si belle, ma prof d'histoire a menti. Que dans la vie, faire la paix n'est pas rentable. J'ai compris que faire la paix, c'est le cauchemar du marchand d'armes. Je réalise la nuit des courses poursuites dans la ville. Mais n'ayez crainte puisque la mort n'est que la suite de la vie. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes. Dans cette vie, I'll join everyone. When I die, these feet carry me far. Oh, my body, oh, so tired. Mouth is dry, hardly speak. Spirit rise in me. I swear, forever is just a minute to me, and I'll take everything. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes. In this life, dans cette vie, I'll join. J'ai compris ce qui allait pas, d'où venait le mal dans nos yeux. Que les voitures qui prenaient feu ne rentraient pas dans vos urnes. Que tous les jours des amis meurent au cachot. Comment certains sont prêts à tout pour obtenir un plat chaud. J'ai compris que l'être humain ne fait rien d'autre que saigner. Que dans la vie se faire du mal est plus facile que s'aimer. Que les voisins c'est pas les filles d'à côté. Que dans le pays des droits de l'homme, des familles vivent à l'hôtel. Comprenez le poids des mots, des fois la vie fout le cafard. Les voleurs se font pincer mais les violeurs ont le bafard. Que dans la vie j'ai toujours senti ce gêne. À quel point j'ai grave du mal à dire je t'aime à ceux que j'aime. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes. In this life, dans cette vie, I'll join everyone. And understand, cause all men die. Cause all men die. Cause all men die. Premier sur le rap, c'est Skyrock avec Cynic et James Blunt. À l'instant, je réalise dans Skyrock Classic, 18h-20h chaque dimanche, on se met les meilleurs sons hip-hop qui ont fait l'histoire, le succès de Skyrock. Il y a All Good, le son de La Soul qui se prépare. Et Ja Rule aussi, Living It Up. Mais juste avant, je vous parle du Morning de Default. Dans moins de 24h, c'est-à-dire demain matin, entre 6h et 9h, il y a des chèques de 1500€ qui vont tomber pour vous toutes les 30 minutes. Si on appelle chez vous, qu'on vous demande quelle est votre radio préférée, vous répondez Skyrock. Et c'est un chèque de 1500€ dans la poche. Et pour largement augmenter vos chances, les inscriptions, c'est par ici, c'est maintenant. Allez-y, Skyrock en toutes lettres au 7-20-20. Skyrock au 7-20-20. Et demain matin, vous pouvez appeler. Si vous inscrivez dès maintenant, Skyrock au 720, allez-y, bonne chance. Comme promis. All Good, De La Soul, Chaka Khan sur Skyrock. Et Ja Rule aussi, Living It Up, c'est ça. Skyrock, la première radio urbaine mondiale. Skyrock Classics tous les dimanches soirs, on est bien. 18h-20h sur Skyrock. Corneille avec classe dans Skyrock Classics avant De La Soul et Ja Rule sur Skyrock. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prends ta veste. Assieds-toi, rien ne plaît. Quand je te vois, je le déduis de ton style, le flash laisse ton cœur froid. Et puis de toute façon, tu sais du cash, moi j'en ai pas. Mon angle est bien beaucoup plus subtil que ça. Prends ton temps, écoute-moi. Quand je t'assure que c'est avec classe que j'admire si tu perds. Moi, car c'est ta classe qui m'attire et tu le sais.